qui entraîne les jeunes de Tess à faire les 100 pas, dealer, se descendre, ça colle pas. Le col, elle nous marche dessus. Parce qu'on l'imprègne dans nos rues pour qu'on se tire dessus. Parce qu'on nous dit des mensonges, invente trop d'histoires qu'on apprendra plus tard dans les livres d'histoire. On montre des films qui portent à notre influence. T'es à la rue, c'était infirme, convaincance de nuance. Depuis tant de générations, qui veut se prendre pour Scarface? Pratique avec certains, le sparring partner. Toi qui crois que t'es bien droit, les keufs sont à tes fesses. On finira incertain avec la tête sur le parterre. L'envie de partir, parce qu'on veut plus taire. De toute façon, on se fera virer, mec, à coup de Karcher. Devant les parquets, Porsche et casse-tête. Sont pris âme, si on veut paix sur le casse. Entre le bien et puis l'argent, on trouve le moyen de tes champs. 49 000, Maine-et-Loire département, 187 clics. Je sais pas si t'entends, on marche à sens unique pour esquiver la tendance. Entre le bien et puis l'argent, on trouve le moyen de tes champs. 49 000, Maine-et-Loire département, 187 clics. Je sais pas si t'entends, on marche à sens unique pour esquiver la tendance. Je représente 187 dans un monde égoïste qui m'insupporte. Trop d'injustice et de racistes, l'État s'impose et je m'en moque. Trop de schmitt entre les blocs, cherche à stopper les gens de ma sorte. Car trop l'opinion me rapporte, les jaloux veulent carotte. Alors usine de pont n'importe, on trouve en escorte. C'est dans notre monde qu'on t'exporte. En cas d'émeute, y'a l'équipe 187 en main forte. Façon dont mon froc, j'ai ma bite et mon glock. Je répète, 187 sont criminels, ici les traites on les saigne. J'ai ma paire de gants et ma pelle. Trop de pensées malsaines, c'est malsain. Comment veux-tu m'empêcher, à part me bouquer à vos keufs pour m'enfermer comme un chien. Je te braque au 9000, il dégorge à coups de surin. Appelle-moi Scorsese, tu veux, je reste serein. 687, pas du son de putain. On braque le rap comme Ronin. Au sommet, on monte au sommet pour ramasser le butin. Entre le bien et puis l'argent, on trouve le moyen de tes champs. 49 000, Maine-et-Loire département, 187 clics. Je sais pas si t'entends, on marche à sens unique pour esquiver la tendance. Entre le bien et puis l'argent, on trouve le moyen de tes champs. 49 000, Maine-et-Loire département, 187 clics. Je sais pas si t'entends, on marche à sens unique pour esquiver la tendance. Entre le bien et puis l'argent, on trouve le moyen de tes champs. 49 000, Maine-et-Loire département, 187 clics. Je sais pas si t'entends, on marche à sens unique pour esquiver la tendance. 49 000 187.